Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un peu con leur truc. Bon, enfin, tant qu'à faire, j'aurais préféré qu'ils maintiennent l'arbre de Noël.